je n'ai jamais pris la parole. C'est la parole qui m'a pris. Un jour j'en ai eu ras-le-bol. Et je l'ai tout simplement dit. Je suis pas fait pour les métropoles. L'âme trop pleine de prairies. Dans la lignée des rossignols, plutôt que des gros pigeons gris, gitan de l'âme, vagabondage, y a une flamme. Dans mes bagages, j'ai reconnu ton âme folle quand tu m'as donné signe de vie. Toi, ma hulotte idole, tu m'as pêché dans mon oubli. Il y avait la mer entre nous deux. Tu vivais déjà dans mon âme. Je ne croyais plus être deux. L'étincelle est devenue flamme. Gitan de l'âme, vagabondage. Il y a une flamme dans nos bagages. Soudain nos vies ont pris feu, incontrôlablement malgré nous, malgré tout. J'ai débouché le merveilleux. Je vais le boire jusqu'au bout. Tu seras ma dernière drogue. Celle des yeux toujours ouverts. J'ai demandé aux astrologues. Tu es mon nouvel univers. Gitan de l'âme, vagabondage. Dans nos bagages, par le virus du cœur qui brûle et brille dans la nuit. Mes malheurs qui s'annulent depuis que tu es dans ma vie. Fini ma vie de somnambule à cauchemar des jours et nuits. Suis enfin sorti de ma bulle. J'ai faim de vivre ce qui suit. Gitan de l'âme, vagabondage. Y a une flamme dans nos bagages.